Jean-Paul Richter, La nuit du nouvel an d'un malheureux. Un vieil homme était assis devant sa fenêtre à minuit. Le nouvel an commençait. D'un œil où se peignaient l'inquiétude et le désespoir, il contempla longtemps le ciel immuable paré d'un éclat immortel et aussi la terre blanche, pure et tranquille. Et personne n'était autant que lui privé de joie et de sommeil, car son tombeau était là, non plus caché sous la verdure du jeune âge, mais nu et tout environné des neiges de la vieillesse. Il ne lui restait au vieillard de toute sa vie riche et joyeuse que des erreurs, des péchés, des maladies, un corps usé, une âme gâtée et un vieux cœur empoisonné de repentir. Voici que les heureux jours de sa jeunesse repassèrent devant lui comme des fantômes et lui rappelèrent l'éclatante matinée où son père l'avait conduit à l'embranchement de deux sentiers. À droite, le sentier glorieux de la vertu, large, clair, entouré de riantes contrées où voltigeaient des nuées d'anges. À gauche, le chemin rapide du vice et au bout une gueule béante qui dégouttait de poison, qui fourmillait le serpent, demi-voilé d'une vapeur étouffante et noire. Hélas, maintenant, les reptiles se pendaient à son cou, le poison tombait goutte à goutte sur sa langue, et il voyait enfin où il en était venu. Dans le transport d'une impérissable douleur, il s'écria ainsi vers le ciel, « Rends-moi ma jeunesse, ô mon père !» Reconduis-moi à l'embranchement des deux sentiers, afin que je choisisse encore. » Mais son père était loin, et sa jeunesse aussi. Il vit des follets danser sur la surface d'un marais, puis aller s'éteindre dans un cimetière, et il dit « Ce sont mes jours de folie !» Il vit encore une étoile se détacher du ciel, tracer un sillon de feu et s'évanouir dans la terre. « C'est moi !» s'écria son cœur qui saignait. Et le serpent du repentir se mit à le ronger plus profondément et enfonça sa tête dans la plaie. Son imagination délirante lui montre alors des somnambules voltigeant sur les toits, un moulin à vent qui veut l'écraser avec ses grands bras menaçants, et, dans le fond d'un cercueil, un spectre solitaire qui se revêt insensiblement de tous ses traits. Oh, terreur ! Et voici que tout à coup le son des clochers qui célèbrent la nouvelle année parvient à ses oreilles comme l'écho d'un cantique. Une douce émotion redescend en lui. Ses yeux se reportent vers l'horizon et vers la surface paisible de la terre. Il songe aux amis de son enfance qui, meilleurs et plus heureux, sont devenus de bons pères de famille, de grands modèles parmi les hommes. Et il dit amèrement, « Oh, si j'avais voulu, je pourrais, comme vous, passer dans les bras du sommeil cette première nuit de l'année. Je pourrais vivre heureux, mes bons parents, si j'avais accompli toujours vos vœux de nouvel an et suivi vos sages conseils. » Dans ses souvenirs d'agitation et de fièvre, qui le reportait à des temps plus fortunés, il croit voir soudain le fantôme qui portait ses traits se lever de sa couche glacée, et bientôt, singulier effort du pouvoir des génies de l'avenir, dans cette nuit de nouvelle année, le spectre s'avançait à lui sous ses traits de jeune homme. C'en est trop pour l'infortuné, il cache son visage dans ses mains, des torrents de larmes en ruissellent. Quelques faibles soupirs peuvent à peine s'exhaler de son âme désespérée. « Reviens, dit-il, ô jeunesse, reviens !» Et la jeunesse revint, car tout cela n'était qu'un rêve de nouvel an. Il était dans la fleur de l'âge, et ses erreurs seules avaient été réelles. Mais il rendit grâce à Dieu de ce qu'il était temps encore pour lui, de quitter le sentier du vice, et de suivre le chemin glorieux de la vertu qui seul le conduit au bonheur. Fais comme lui, jeune homme, Si comme lui tu t'es trompé de voie, ou ce rêve affreux sera désormais ton juge. Mais si tu devais un jour t'écrier douloureusement « Reviens, jeunesse, reviens !» elle ne reviendrait pas.